Ndikomanyanga. François Kiman est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Plus de 4200 milliards de francs burundais, c'est le montant attendu après que le Conseil des ministres ait tenu mercredi de cette semaine et adopté le projet de modification de la loi budgétaire pour l'exercice 2024-2025. Vous l'entendrez dans un extrait du compte rendu lu par le secrétaire général du gouvernement. L'expert en gestion des politiques économiques, Serge Nilamebura, trouve que les dignitaires qui trempent dans le commerce devraient abandonner cette pratique pour le bien du développement commercial. Il lance cet appel comme l'ont fait certains politiciens. C'est après que le chef de l'État ait récemment indiqué que certaines personnalités ne s'acquittaient pas des impôts sous prétexte de leur pouvoir. Un délai de plus d'une année a été convenu par la commission tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le Haut Commissariat de réfugiés pour arriver au rapatriement volontaire des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. C'est ce qui ressort de cette réunion tripartite tenue sur le sol tanzanien. Et dans la chronique environnement, l'on vous parlera du rôle des chimpanzés qui participent à la construction des forêts dans le parc national de la Kibira et dans les réserves naturelles de Bururi et d'Ozanda. Bienvenue à cette actualité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les agents de forces de défense et de sécurité sont appelés à veiller à la sécurité du pays et de s'atteler aux travaux de développement, appelé ce vendredi du président de la République lors d'échanges de vues de l'an 2025 entre ses corps et la famille présidentielle. Évariste Ndayishimiye a exhorté les dirigeants de ses corps à éviter les tentations qui peuvent les empêcher d'accomplir leur mission d'assurer la sécurité du pays. Suivez-le, traduit en français par Aaron Douayetsu. Nagomba gusa guheraheza ntange impanuro zo kugabisha. Je voudrais clôturer en donnant des conseils d'avertissement. Au Burundi, nous avons placé Dieu en avant. Nous avons là où nous puisons les idées qui nous permettent à continuer de nous développer jusqu'à ce que notre pays soit un pays de lait et de miel. Le chemin n'est pas facile. On rencontre beaucoup de difficultés, mais Dieu œuvre avec les héros. Quand je lis et que j'analyse ce qui se passe et ce qui s'est passé aux autres, j'ai constaté qu'il y a trois sortes de tentations sur la terre. La première tentation provient de l'individu lui-même. Cette tentation est difficile à surmonter. Que personne ne s'implique pas dans ce genre de tentation. La tentation de la paresse, la tentation de n'avoir pas le patriotisme, mène à ne pas assurer ta sécurité. La deuxième tentation est celle que Dieu amène pour tester ton niveau héroïque. Quand vous verrez des tentations, ne pense pas à autre chose. Dieu est au contrôle, mais vous devez les combattre. La troisième tentation provient de Dieu pour mesurer ta croyance en lui. Tu verras une tentation à ce que tu dis que tu ne pourras pas l'affronter. C'est à cette étape que Dieu prouve ta résistance parce que la force humaine est vaincue. À chaque fois que vous voyez ces tentations, ne soyez pas découragés. Ne vous découragez pas. Mais ceux à qui se compromettent, ne m'appelez pas. Quelqu'un qui va se tremper dans les tentations, ne m'appelez pas. C'était là le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a adopté le projet de modification de la loi budgétaire pour l'exercice 2024-2025. Dans un extrait du compte rendu lu par le secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima, les ressources globales attendues avec ce projet revisé s'élève à plus de 4200 milliards de francs burundais contre plus de 4600 milliards attendus dans le budget initial. Il précise qu'avec ce projet de loi révisé, certaines dispositions ont été modifiées, tandis que d'autres introduites pour renforcer le contrôle des dépenses pour combattre la fraude fiscale. On l'écoute. Pour le budget général de l'État révisé exercice 2024-2025, les ressources globales s'élèvent à 4211 milliards 221 millions 249 371 francs bouts contre 4626 milliards 51 millions 121 082 francs dans le budget initial, soit une diminution d'environ 8,97% au moment où les charges totales s'élèvent à 4711 milliards 930 millions 767 721 francs burundais contre 5075 milliards 660 millions 779 125 francs bouts dans le budget initial, soit une diminution d'environ 7,17%. Le déficit global du projet de budget général révisé 2024-2025 s'élève à 500 709 518 350 francs bouts contre 449 609 658 043 francs bouts du budget initial. Tous ces chiffres restent susceptibles à de légères modifications étant donné que la suite du processus de révision budgétaire par d'autres institutions de la République est envisagée. À travers le projet de loi budgétaire révisé, certaines dispositions ont été modifiées, tandis que d'autres ont été introduites pour renforcer le contrôle des recettes et des dépenses et pour notamment, premièrement, combattre la fraude fiscale, 2. Optimiser la collecte des recettes, 3. Protéger les industries locales, 4. Limiter les abus et garantir un climat d'affaires favorable, 5. Rendre obligatoire l'acquisition de la carte d'assurance maladie pour permettre à toute la population burundaise d'accéder aux soins de santé. 6. Limiter les cas de fraude de la TVA. 7. Éviter les pertes de recettes dues au cas de minoration du prix de cession d'immeubles. 8. Renforcer le suivi des dépenses et faire respecter le circuit normal de ces dernières. 9. Limiter la participation aux seules missions stratégiques et prioritaires tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. 10. Passer au recouvrement forcé des arriérés d'impôts. 11. Respecter le calendrier budgétaire. À l'issue de l'analyse, le projet de loi a été adopté avec, entre autres recommandations, de 1. Renforcer la discipline budgétaire. 2. Contrôler les subventions agricoles pour qu'elles profitent aux agriculteurs qui en ont le plus besoin. 3. Étudier des stratégies pour que le secteur minier apporte réellement une plus-value au trésor public. L'actualité continue sur Isanganiro. Il est incompatible que certains mandataires publics exercent le commerce avec leurs fonctions. Cela engendre des conséquences énormes dans le pays. Une telle situation ne fait qu'amplifier la pauvreté et la flambée des prix, comme l'analyse un expert en gestion des politiques économiques. Certains partis politiques ne cessent de déplorer que certains dignitaires commerçants ne s'acquittaient pas de leurs impôts. Par ailleurs, le président de la République a récemment indiqué que certaines personnalités ne s'acquittaient pas des impôts sous prétexte de leur pouvoir. De l'autre côté, l'expert en gestion des politiques économiques Serge Niramebura trouve que les dignitaires qui trempent dans le commerce devraient abandonner cette pratique pour le bien du développement commercial. Serge Nirameba, expert en gestion des politiques économiques. Quant aux fonctionnaires de l'État qui utilisent les moyens de l'État pour prétendre être des opérateurs économiques, ce n'est pas vrai. Parce que si vous devriez faire une comptabilité, calculer combien de moyens ils ont mis à la production par rapport à la production, la plupart des cas, vous allez trouver qu'il n'y a pas eu de gain. C'est juste une malversation économique. D'autres chefs administratifs vont faire une concurrence déloyale. L'absence de concurrence aussi amène une absence de productivité, ce qui ne fait qu'augmenter les prix et augmenter la pauvreté dans le pays. C'est pourquoi, en fait, il y a des opérateurs économiques qui naissent parce qu'ils ont les moyens de l'État. Et le jour où ils vont cesser d'exercer les fonctions étatiques, ils vont abandonner cette opération économique parce que cette opération économique n'était pas rentable. C'est aussi pourquoi chaque régime chez nous amène les nouveaux riches, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient rien comme activité économique, mais comme il y a des moyens gratuits de l'État, l'État à exploiter. Et ces gens-là font des profits exorbitants, pas parce que l'activité économique est rentable, mais parce qu'ils utilisent les moyens qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des dépenses. Donc, c'est pourquoi cette marginalisation économique est rentable chez ces personnes, alors qu'en réalité, l'activité n'est pas rentable. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un délai de plus d'une année a été convenu par la commission tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le Haut Commissariat des réfugiés pour arriver au rapatriement volontaire des réfugiés burundais en Tanzanie. Cela a été décidé lors de la clôture d'une réunion de 3 jours d'évaluation de la 28e réunion tripartite qui a eu lieu en Tanzanie. Dans cette 29e réunion, des résultats ont montré que les objectifs visés n'ont pas été atteints du fait que les réfugiés, que les effectifs des rapatriés ont diminué. Sur près de 180 000 réfugiés burundais, seuls 13 000 seulement ont été rapatriés depuis 2017 jusqu'en 2024. Suivez Nestor Imenimana, directeur général rapatriement au ministère de l'Intérieur. Confirmer le soutien de toutes les parties à continuer le rapatriement volontaire des réfugiés burundais en provenance de la République unie de Tanzanie à raison de 3 000 rapatriés par semaine. Reconnaître la proposition du gouvernement de la République unie de Tanzanie concernant le lenteur de la phase de promotion du rapatriement volontaire des réfugiés burundais. Toutes les parties ont convenu de mettre en œuvre des activités supplémentaires pour intensifier cette phase de promotion qui sera réexaminée dans un délai d'un an. Soutenir le gouvernement de la République unie de Tanzanie dans sa décision d'entreprendre des évaluations exhaustives de protection et de solutions afin de, entre autres, examiner les profils de la population réfugiée burundaise restante en Tanzanie et d'inciter les solutions appropriées. Mettre en place une équipe technique conjointe avec les termes de référence clairs composés du gouvernement tanzanien et du ACER afin de définir les modalités pour les évaluations exhaustives axées sur la protection et les solutions à travers un processus inclusif impliquant d'autres parties prenantes concernées. Assurer une sensibilisation et une communication appropriée auprès des réfugiés, des partenaires et des bailleurs sur les évaluations exhaustives axées sur la protection et les solutions, notant que des communications efficaces garantiront de l'exercice de l'évaluation de qualité et créeront des opportunités pour la mobilisation des ressources indispensables pour les solutions. Souligner que l'accès des ménages rapatriés aux actifs et opportunités d'éducation de subsistance au Burundi est un facteur clé qui influence leurs décisions concernant le retour. Encourager les gouvernements du Burundi et de la Tanzanie à coordonner avec le soutien de la communauté internationale des programmes d'éducation et de formation professionnelle qui prennent en compte les dimensions transfrontalières, fournissant des compétences pour le marché du travail burundais et soutenant l'équivalence des certifications. Appeler le gouvernement du Burundi à progresser vers une décentralisation accrue des processus d'équivalence des diplômes, de l'enregistrement foncier et des autres questions documentaires afin de lever les obstacles rencontrés par les rapatriés, notamment ceux résidant dans les zones reculées, pour accéder à ces services et à d'autres services pertinents. Renforcer conjointement le partage d'informations sur les perspectives de mobilité de la main-d'œuvre transfrontalière entre le Burundi et la Tanzanie, ainsi que les procédures pour y accéder, au bénéfice des rapatriés qui souhaitent tirer parti de telles opportunités, afin de garantir que ces mouvements soient entrepris conformément aux cadres juridiques et administratifs bilatéraux et existants, et conformément aux protocoles et politiques de la communauté de l'Afrique de l'Est. Appeler les parties à plaider systématiquement auprès des donateurs bilatéraux et des acteurs de développement afin de travailler avec ou au sein des systèmes existants au Burundi pour soutenir le développement national et communautaire dans les zones de retour et de réintégration et atténuer les effets résultants de retour à grande échelle en investissant dans la réintégration, la résilience et le développement. Page santé à présent, le paludisme reste une cause majeure des décès et des hospitalisations au Burundi. Déclaration de l'assistant du ministre de la Santé, Inès Juseline Nduimana, lors du lancement de la chimioprévention du paludisme chez les enfants âgés de 9 à 24 mois ce mercredi en province Chibitoke, dans ses festivités concernant ce projet pilote qui couvre 5 districts sanitaires. Le représentant de l'OMS au Burundi a reconnu que cette stratégie a déjà démontré ses preuves dans la réduction de la fréquence du paludisme à 30%. Le détail avec Jean de Duy à côté. Le paludisme reste une cause majeure des décès et des hospitalisations, regrette l'assistant du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida lors des cérémonies marquant le lancement de cette stratégie dite de chimio-prévention du paludisme. Inès Roselyne Nduimana, assistant du ministre de la Santé, salue les actions des intervenants dans ce domaine, dont Médecins sans frontières. Le paludisme demeure la première maladie qui menace la santé publique, comme le révèle le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Médecins sans frontières a toujours œuvré aux côtés du gouvernement pour la prise en charge de cette maladie et pour la sensibilisation à sa prévention. Les programmes de ce ministère ont toujours été soutenus par cette dernière, soit dans la pulvérisation des maisons, soit dans la fourniture des moustiquaires imprégnés. Actuellement, nous sommes ravis qu'elle appuie dans la mise en œuvre de ce projet pilote de chimioprévention du paludisme chez les enfants, plus particulièrement dans le district sanitaire de Chibitoke. Le représentant de l'OMS dans ses festivités, Dr Mutenda Kaya-Guilin, a indiqué que cette approche a déjà présenté ses preuves dans la réduction de 30% de la fréquence du paludisme et encourage l'adhésion de la population burundaise. Les études menées en Afrique ont démontré les résultats significatifs. Une réduction de 30% de la fréquence du paludisme clinique. Une baisse de 21% de la fréquence des anémies. L'adhésion du Burundi à cette stratégie contribua efficacement à la réduction de la morbi-mortalité liée au paludisme chez les enfants cibles. L'OMS encourage la population burundaise à y adhérer massivement afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 d'une part et ceux du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2027 d'autre part. La chimio-prévention du paludisme chez les enfants est mise en œuvre dans 5 districts sanitaires pilotes, à savoir Chibitoke, Mutaho, Gitega, Makamba et Nyanzalak. Radio Isanganiro, chronique environnement. Des chimpanzés participent à la construction des forêts dans le parc national de la Kibira, dans les réserves naturelles de Bururi et de Vianda. Demda Sinzigima, représentant d'une organisation dénommée Conservation et Communauté de Changement, explique que les chimpanzés partagent 98% des matériels génétiques avec l'homme. Ils ont de l'importance économique et écologique, raison pour laquelle ils sont ainsi appelés constructeurs de la forêt. La chronique environnement avec Lydie Gaimbat. Des chimpanzés vivent dans des forêts naturelles ici au Burundi, comme dans le parc national de Kibira, dans les aires protégées de Bururi et Vianda et ailleurs, comme explique Leonidas Ndigima, représentant légal de la conservation et communauté de changement 3C en sigle. Les derniers habitats des chimpanzés au Burundi sont le parc national de la Kibira, la réserve naturelle forestière de Bururi, la réserve naturelle de Vianda, le paysage protégé de Lukambasi et la forêt naturelle de Rukomo. Nous avons identifié également un petit groupe de chimpanzés vivant dans les dernières galeries forestières naturelles et au niveau de la commune d'Ovugizo. Des chimpanzés partagent 98% des matériels génétiques avec l'homme, selon toujours l'Andas Zigima. Les chimpanzés et les humains partagent 98% de matériel génétique. C'est pour cette raison que les chimpanzés ont un certain degré d'intelligence. Ils savent utiliser les outils comme les humains. Les chimpanzés manifestent leurs émotions comme les humains. Et ils expriment leur joie. Ils expriment également leur mécontentement. Ils peuvent même pleurer. Les chimpanzés savent même faire le deuil comme les humains quand ils ont perdu un des leurs. Des chimpanzés ont de l'importance économique puisqu'ils attirent des touristes et ils sont des maillons de la chaîne écologique, selon toujours l'Ondas Nzigima. Le chimpanzé est écologiquement lié à l'environnement. C'est l'un des taxons de la biodiversité. Ça fait l'un des maillots de la chaîne écologique. C'est-à-dire, certains d'ailleurs appellent les chimpanzés les constructeurs de la forêt. Je peux donner l'exemple des myrianthus à mouffes. C'est-à-dire que les fruits de myrianthus, les graines, quand elles traversent le tractus digestif des chimpanzés et sortent, eh bien, la germination est facile. Par contre, quand les graines de ces fruits-là, de myrianthus, ne passent pas par le système digestif de ces animaux-là, et vraiment, cas de germination, il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Le taux de germination est trop faible. Donc, ça, c'est l'un des exemples. Donc, c'est pour cette raison que si nous voulons préserver nos forêts naturelles et ces habitats de chimpanzés et conserver jalousement cette espèce. Dans la prochaine chronique, l'Ondas Nzigima nous expliquera les conséquences qui surgissent lorsque la population environnante envahit les aires protégées où vivent les chimpanzés et le comportement à adopter. C'est par ici que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana qui est de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.